Ouais. La musique est forte, la voix est forte. Non, ça va. C'est bon. Ok. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être venu et d'avoir proposé un thème d'émission. Ouais, merci. Merci voilà. De l'accepter. Ouais. Non. C'est vrai que il y a beaucoup de choix et il y a des critères assez stricts, mais bon. Donc le sujet de l'entretien d'aujourd'hui, c'est si j'ai bien compris le rapport entre l'image et la musique. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, c'est né d'une discussion qu'on a eue à propos d'un label dont j'aime beaucoup le nom, Musique pour l'image, et donc de la Library Music. Ouais. Et puis ça va nous emmener vers d'autres choses. Donc Musique pour l'image, ils ont vraiment sorti que des musiques pour le pour illustrer des images. Des images. Donc pour le cinéma, la télévision, beaucoup. Ouais. D'accord. Voilà, c'est un label qui a été créé en 67 par Robert Vigée. Ouais. Et c'est un label sur lequel on retrouve beaucoup de Vladimir Cosma, Claude Mazori. Okay. Et puis d'autres choses, donc de la musique d'illustration, comme on dit en français. Ouais. Oui. Voire il y a un autre terme qui est musique au mètre. Musique au mètre, ouais. Pas musique comme pas quelque chose qui mesurait la musique, mais plutôt, musique au mètre. Ouais. Assez péjoratif. Plutôt, ouais. Ouais. Donc, il y a des créations d'illustrations qui sont créées avant le rapport à l'image, ouais. Qui sont proposées en tant que catalogue aux professionnels de l'image. D'accord. Donc, c'est. Ouais, ok. Ça va dans. Parce que c'est pas des commandes qui sont du coup compilées pour faire des CD. C'est vraiment. Ouais. Il y a une production qui est faite à destination des professionnels. Il y a une forme de commande, je pense, quand même, puisqu'on retrouve des thèmes. Oui, oui. C'est le nom des albums, souvent. Ouais. Donc il y a des thèmes, j'en ai en tête, Racines synthétiques, par exemple. Ouais. Ok, assez. c'est abstrait. Assez abstrait, ouais, quand même. Et oui, du coup, il y a des droits, c'est de la musique sur lesquels j'imagine les droits sont. Ouais, sont appliqués. Appliqués, négociés, c'est aussi un moyen aussi pour les musiciens de. De vivre. De vivre, ouais. Et puis ça, il semblerait que ça ait laissé aussi une certaine liberté dans la création, ouais. Puisque c'était détaché d'une commande, même s'il y avait un thème général à aborder. Ouais. Ouais, d'accord. Il y a quand même une liberté de création, on n'est pas là pour faire des tubes. Ouais. C'est plutôt trouver des propositions comme ça, de musique, d'illustration, d'accompagnement, Et puis, dans ces réalisations-là, il y a quand même quelques pépites. Bien sûr, ouais. À un moment donné, le morceau se suffit, suffit à lui-même. Ouais. Et a de la valeur en tant que tel, quoi. C'est ça. Plutôt que, ouais, plutôt que d'en donner à une image, ou, enfin, c'est même pas donner de la valeur, c'est plus habiller ou renforcer. Enfin, ça dirige un peu ce qu'on doit percevoir d'une image, quoi. Ouais. Enfin, alors après, je sais pas, dans le processus de création, par exemple, de l'image publicitaire, si la recherche de musique venait vraiment influencer l'image. Ouais, peut-être, on peut imaginer peut-être que pas, ça pouvait aller dans ce sens-là ou pas. C'était un choix qui était annexe et postérieur à la création de l'image. Moi, j'ai on peut écouter peut-être le premier morceau que tu as choisi, qui est Michel Gonnet. Oui, c'était Phasing pour nous faire news. Un petit générique. Ah, d'accord. Ah, merde. De départ, mais alors soit on écoute celui-ci, soit on écoute Joël Fagerman. Ah oui, c'est le morceau qu'on aurait dû écouter là en ce moment en parlant dessus. Bon, c'est pas grave, on peut l'écouter malgré tout. Flower Dance. Flower Dance. Donc, qui du coup est un morceau de. Qui illustre une émission de télé, censée illustrer une. Complètement. Plutôt une émission sur les sciences naturelles, non? Celui-ci, je sais pas pourquoi il a été utilisé. C'est, il vient d'un label anglais, Chapelle. D'accord. Ok. Bon, on écoute. Et assez parce que bon, souvent la musique pour on va dire fonctionnelle, elle a à un moment donné, il y a une sorte elle a une qualité moindre, on pourrait dire, enfin bon, mais alors là pas du tout, enfin disons que c'est pas qu'elle a une qualité moindre, mais il me semble qu'on elle comporte des ce qu'on appelle des gimmicks, enfin il y a des choses qui font penser à autre chose complètement, qui sont téléphoné, on pourrait dire. Là, pas du tout. C'est, pas du tout, ouais. C'est... Bon, je ne saurais pas comment l'utiliser, ce morceau. Pour des images produites, pour je sais des... pas. Ouais. Non, pour un générique. Pour un générique, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Oui, mais de quoi du journal ou du journal, non. D'une émission, un talk show. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ah oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Un truc un peu réflexif, calme. Très bien. On peut continuer avec le vrai premier morceau que tu voulais passer. Joël Fagerman. Ouais. Du coup, ça, c'est un morceau qui est sorti sur MPI, Musique pour l'image. Et c'est sorti sur un album qui s'appelait Painted Desert. C'est le LP 547. Il y a beaucoup de références. Ouais, bah ils sont classés par des numéros aussi. Hein. Au-delà des titres, ils sont vraiment. C'est là où ça fait vraiment fonction de catalogue. Ils sont numérotés et bien ordonnés. Et Joël Fagerman, il a fait par exemple le générique de La Chasse au Trésor. Ouais, ça m'échappe. La Chasse au Trésor. C'est une émission télé. Une émission télé, ouais. Ah ouais. France 3. Ouais. France 3. Avec les hélicoptères. FR3, non ? FR3. Ouais. D'accord, donc récemment, c'est un truc récent. Celui-là, non, il est des années 80. Oui. Ok. Début des années 80, et du coup, le morceau que je voulais passer, c'est Sirocco. Sirocco, ouais. C'est un morceau d'ambiance qui a été utilisé dans L'Aventure des Plantes, qui est un documentaire sur les plantes. Sur les plantes. Joël Fagerman. Très beau morceau, Sirocco. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop. Enfin, on aurait pu penser que ça aurait été arabisant, mais c'est ce qui est pas le cas. Mais en fait, enfin, c'est juste. Je sais pas. Je trouve que c'est un bon exemple d'un morceau qui peut fonctionner de manière indépendante, quoi, sans l'image. Bien sûr. Puisqu'il nous transporte vraiment là où il veut nous emmener. Ouais. Mais le rapport aux plantes, ouais, bon, je sais pas, j'essaie. Hein, j'essaie de t'imaginer à quelle séquence du documentaire ça pourrait faire référence, mais je. Ouais. Justement, là, ce qui est le cas, on parlait de quand la musique est produite en dehors de l'image. Là, c'est le cas, puisque c'est un morceau qui est sorti en amont du documentaire, et qu'ensuite, d'accord, le réalisateur du documentaire ou son équipe est allé piocher dans le catalogue, l'a sélectionné pour accompagner les images. Donc l'album a été créé pas pour un documentaire. Non, d'accord, il a été ensuite réédité, ce morceau-là, dans l'album de l'Aventure des Plantes. Ok. Ça me fait penser à un album de Stevie Wonder qui s'appelle The Secret Life of Plants, qu'il a fait un double album voilà, qui est un peu c'est conceptuel en fait, ouais, finalement, ouais, comme ça. Voilà, bon bref. Qui a des trucs, enfin qui a aussi des morceaux très instrumentaux en fait, voilà, qui évoquent des choses. Mmh. Voilà, bon, bref. on peut continuer, moi je peux mettre un petit morceau, ouais, viteuf. Alors, il faudrait que je le retrouve, mais ça va pas être facile. Alors, moi, j'ai récupéré des CD de Library Music, mais donc, moi, c'est carrément l'inverse de toi, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont vraiment. Enfin, déjà, ils sont un peu plus courts, tous 1 minute 20, 1 minute 30, et donc, on comprend. Ils pourraient pas être faits pour autre chose, quoi, que pour illustrer des images. Là par exemple c'est Dance Drums. Voilà, Strong Industry. Non, et bien choisi, les éléments sont assez évocateurs aussi. Hein. Ouais, ouais. Enfin, on sait sur quoi on va tomber. Là, il n'y a pas de mystère. Et ça se développe pas, quoi, c'est pas mal. J'imagine des. Je sais pas, que c'est. Bon, bref. Des quoi, des tresses ou d'une acide, sidérurgie. Ouais. Voilà. Et c'est le nom de l'album, Strong Industry ? L'album, c'est Industry. C'est moins des morceaux parce que c'est plus finalement des boucles. Boucles. Alors, je sais pas, il y a d'autres. Time in Mo. Non, je sais pas. Work Activity. Ouais. Oh. Ça donne envie d'aller au travail, ça, non ? Ça, ouais, ouais. Avec son attaché caisse. Alors, je pense que c'est Work Activity des machines, je pense. Des machines. Parce qu'après, il y a marqué Industrial Motion. Je sais pas, c'est de voir des roues tourner, je sais pas. Bon, bref. Bon, il y avait un morceau. Avec un riff de guitare qui faisait penser à Eye of the Tiger, tu vois. Ouais. Voilà. Donc du coup je me disais aussi, enfin bon ça c'est clairement des trucs des années 80. Mm. Peut-être un des gimmicks aussi de la musique de l'image, c'est de reprendre des éléments de musique populaire, ouais, pour que ce soit, pour que ce soit attractif, quoi. Ouais, attractif, voilà. Complètement. Ouais. Puis je pense que du coup c'est plus facile d'illustrer aussi si on a une proximité avec le sujet. Ouais. Ouais. Mmh. Comment ça, par la musique ? Qu'est-ce que par la musique, par exemple, là, j'imagine dans ta sélection. Enfin, on voit par les termes, on a presque l'élément de l'image qui va avec, quoi. Ouais. Sonic sound, j'imagine, ouais, ouais, que c'est. Ça va très vite. Ou peut-être pas. Tu vois. Ouais. C'est ça qui est. Bon, là, on est forcément. On est influencé par les, ouais, enfin le nom, par ce qu'on lit. Mm. Bon. Je sais pas. Mec. Des fois les intentions se perdent. Mm. étrange. Mystère. Mystère, ouais. Bon, voilà, donc j'en ai plein, hein, je vais pas quand même. Bref. Après, j'ai quelque chose d'autre sur la mode. Voilà. Qu'on pourra mettre après. Ouais. Vibration et enfin Machinery. Weekend aussi. Voilà, bon, on a plein de. On a de quoi faire pendant encore 1h10. On a cette teinte très synthétique, hein. Dans les années aussi où ouais, c'est produit. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Le grand ouais. boom de la library music, c'est quand ouais. même les fin 70, 80, les synthés et, ouais. et la télévision, la publicité. Et oui, c'est lié, bien sûr. Et moi, le morceau que j'ai ensuite, c'est, bah, on parle de télévision encore, c'est un morceau de Vangelis, le singe bleu. Yes. Du coup, qui a été fait Vangelis, pour... attends, j'avais dit non. Papatanasiou. Papatanasiou. Voilà. Ex-membre des Aphrodite's Child avec ouais, Demis Roussos. Ah bon ? Ah ouais, oui. Début de la vie musicale connue de Vangelis, c'est ça. Et du coup, lui, c'est un duo avec Frédéric Roissif, qui est un documentariste, ethnologue, enfin, documentaire d'ethnologie et sur les animaux, la vie animale. Et il signe comme ça plusieurs documentaires, séries documentaires pour la télévision, ouais. Dont l'Opéra Sauvage, yes. La Fête Sauvage et l'Apocalypse des Animaux. Et Evangelis va proposer une bande originale. Alors là, dans le processus de production, tu vois, j'ai pas vraiment idée de quand la musique intervient dans le processus de fabrication du documentaire. Ouais, si ça vient après ouais. ou... Ouais. Mais en tout cas, Vangelis va proposer un album qui est assez court, je crois qu'il fait 35 minutes, ouais. mais qui est d'une mélancolie assez forte. Ouais, d'accord. C'est doux et de mélancolique. Et le singe bleu, on va entendre une trompette. Qui va faire. Qui va venir craquer. Animer les nappes un peu. Ouais, il va un d'accord. peu faire craquer. Ok. Merci. Thank you.

Yes, un petit morceau, alors non pas de d'un morceau d'un qui n'a pas une pardon, qui n'a pas été créé pour une fonction particulière, un morceau de Régis Victor qui mais qui on dirait que ça pourrait être utilisé pour une fonction particulière d'illustration qui s'appelle Ça sent pas la moufette. Voilà. La moufette. La moufette étant un animal qu'on trouve surtout aux Amériques, notamment au Canada. Et Déclinaison du putois. déclinaison du putois, exactement. Ouais. Ah, ça marche très bien. Ouais. Donc j'imagine que c'est les flûtes qui évoquent un peu des morceaux d'illustration pour des séries télé des années 70 ou des trucs comme ça. Voilà, il y Les a flûtes, peut-être puis le format. El Forma, ouais, assez court. Et voilà, bravo Régis. Merci Régis. Donc, on disait hors antenne, mais c'était un sujet que tu voulais aborder, que toutes ces musiques contiennent sont une mine à potentiel ouvert de samples pour Ouais. des probables samples. Enfin. Bah, c'est ce qui fait aussi le côté un peu pépite de la library music. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas grand public, c'est des albums qui n'ont pas beaucoup circulé jusqu'à un certain temps et l'avènement d'Internet, je pense. Même si la musique, elle, Ah, enfin, du coup, ouais, a circule existé, par d'autres ouais, par d'autres biais. médias exposés. Mais oui, ok. Et du coup, les connaisseurs, connaisseuses ont su s'emparer de ce gisement-là de production musicale un peu inconnue pour sampler et pour recréer des morceaux derrière. Et peut-être qu'il y a moins de, comme c'est de la musique utilitaire, il y a moins ce côté auteur, on va dire. Enfin, le côté auteur est moins Moins important, vu qu'elle est important, déjà faite ouais. pour être utilisée. Du coup, pourquoi pas Ouais. l'utiliser pour d'autres morceaux, Ouais, peut-être. complètement. Ouais. Peut-être. Et dans Là, ce c'est... Ouais, sens-là, ouais, ouais. il y a un morceau de AIM Yes. qui s'appelle Journey Journée. to the End of the Night et qui on reconnaît un sample d'un morceau qui est sorti sur Chappell, qui est un autre label de Library Music, sur Atmospheric Vocals. Et c'est notamment un sample qu'on retrouve aussi chez Aphex Twin D'accord. dans Ixtal. Ok. Vous allez entendre les voix, ça C'est arrive un, donc c'est un ensemble de de voix. vocaux. Ouais. D'accord. Très bien. On écoute ça. Aim. Thank you. l'ambiance, ouais. On n'a pas les images, mais on a l'ambiance. Ouais. Ouais. C'est... Justement, est-ce que c'est pas la même chose? Ouais. Si t'as l'ambiance, t'as l'image. Mais bon. Ouais, c'est sur ce CD La Vibration. Bon, c'est le dernier morceau. Voilà. Qu'est-ce que... Si, mais ça fait penser à plein de choses, non? Des trucs compliqués à expliquer ou des trucs scientifiques, non? Des trucs qui... Au niveau des évocations? Ouais, des évocations, ce que ça pourrait illustrer, non? Moi, toi, je suis pas... du Hitchcock, là, du film. Ah, toi, t'es dans la musique de film. Ouais, ah, dans ouais, la musique de effectivement. Film. Effectivement, ouais, peut-être. Peut-être pas avec toute la longueur du morceau, mais... Ouais, mais un petit bout, oui. Oui. Yes, ben, c'est Eric Forêt et Gilles Laurent. Voilà. Vibration sur... alors je sais pas du tout le label, je pourrais le dire après. Mais je pensais justement Vibration, bon effectivement ça vibre, mais je pensais avoir quelque chose de beaucoup plus smooth. Bon, je resserre un morceau tout à l'heure. On va continuer avec un morceau de ton choix. Oui, bah on continue dans le cinéma, on a des évocations un peu cinématographiques. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on se disait un peu hors antenne aussi, c'est par rapport à la question de la bande originale, quand la musique est créée pour l'image existante, encore une fois, et sur l'histoire même du cinéma, quand est-ce que le son il apparaît. Mmh. Et en faisant quelques petites recherches, et bah, le son il apparaît au tout début. Ouais. Dès la première projection du premier film des Lumières, et ben il y a un piano qui est là pour l'accompagnement. Ouais, bien sûr. Oui, mais c'est pas enregistré du qui coup pas dans, enregistré, le, ouais. dans le film. Ouais, non, ouais, ça apparaît joué qu'après. Live, ouais. Le son optique, il apparaît que dans les années fin des années 20. Avec le cinéma non muet. Ouais, non muet. Ouais. Mais même le cinéma muet, il y a besoin de le faire exister avec du son, de l'accompagner avec du son et des bruitages aussi. Ouais. Ça c'est intéressant. Ouais. Absolument. Et le morceau du coup que je voulais proposer ensuite, et ben c'est un morceau qui a été réécrit sur des images existantes. C'est la bande originale de The Epic of Everest, qui est un des premiers films. C'est un jeu de mots, ouais, j'imagine. Ouais. Un premier film documentaire avec un petit côté fictionnel quand même, qui est un film de John Noel et qui relate l'ascension du mont Everest. Par Mallory et Irvine. Donc on est en 1924. Les images ont été restaurées par le British Film Institute. Et du coup, ça relate vraiment l'expédition, la traversée. C'est la première ascension. C'est pas la première ascension, mais c'est la première ascension documentée. Où on a des images documentées. Okay. Et au-delà même de l'équipe, de la caravane comme ça d'ascension, il y a tout ce qui traverse l'ascension aussi. Les Tibétains, les temples, il y a quand même un regard ethnologique de ce film-là. Et la, du coup, la BFI a fait une commande à Simon Fisher-Turner pour, pendant la restauration de ce film-là. Donc, ils ont commandé une bande originale. Et Simon Fisher-Turner, c'est quelqu'un qui est habitué de l'ambiance, du field recording. Et qui de là on va folk, vraiment un peu, enfin je sais plus. Ouais, il y a un côté un côté un peu dans certains albums un truc plus électronica folk. Ouais, ouais. Complètement. Je connais un peu. Ouais, oui. Et là il va accompagner là, l'image. Banco, là on est sur le soutien de l'image et en même temps, encore une fois, c'est quelque chose qui peut s'écouter de manière autonome. Et mais tu... les deux ensemble ont une espèce de enfin moi c'est une de mes claques cinématographiques vraiment. Ce film-là avec. Et le morceau est totalement. Parce que là, il dure 11 minutes. Les 11 minutes sont dans le film. Ouais, les 11 minutes sont dans le film. D'accord. Ça, c'est. On a, ça, c'est pas commun. On va même entendre à la fin du morceau. Il est mixé avec le morceau avec... suivant. D'accord. Donc, on va avoir une autre ambiance qui va arriver sur les dernières secondes du morceau. Et tu dis que ça a été réécrit pour le film. C'est un morceau qu'il avait déjà fait. Et qu'il non, c'est réadapté. Des morceaux. Il a tout écrit pour d'accord. le film. Okay, au moment bien. De sa restauration. C'est Shisha Pangma, c'est qui ça. Doit sûrement signifier quelque le chose. Le nom d'un sommet, peut-être. Ouais. Simon Fisher-Turner. Tranquille, Emile. Tranquille, Simon. Thank you. Les entretiens de Grenoble musique et images. Pas le groupe, hein, bien sûr. Bon, fallait que je la fasse au moins une fois. Magnifique morceau donc de Simon Fisher Turner, Shisha Panga, Pangma, pardon. Qui donc là, ce qu'on entend à la fin, c'est le morceau d'après, ouais, qui c'est commence. Le morceau d'après. Et de souvenir, c'est le morceau d'après qui emmène dans le village tibétain. Oui. Où il y en a ce regard proche, ouais, des habitants, ouais, des habitantes. Et donc c'est une expédition qui échoue. Oui. Ouais. Bah ouais, elle échoue. Ouais, puisque je sais plus quand est-ce qu'on a réussi à aller en haut de l'Everest, mais c'est assez tardif. C'est pas non. Bah il y a Herzog, mais c'est pas l'Everest, c'est K2, je crois. C'est, ouais. Il y a un Savoyard. Ah mais je voulais enchaîner avec un morceau, mais bon, bref, peu importe. Très bien, super. Donc tu conseilles très, ouais, fortement, très, très chaudement. Fortement. Très chaudement. Ce film. Mm. The Epic of Everest, c'est qui ça. A été restauré récemment. Qui a été restauré, oui, il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Et le morceau ça. D'après, c'est aussi Simon Fisher Turner, le morceau qu'on commence, oui, qu'on d'écouter. Commence à écouter. Ouais. Ouais, ouais, okay. Ouais, il a réalisé vraiment produit toute la bande originale. De tête, j'ai le souvenir qu'il fonctionne aussi avec l'orchestre de Londres. L'orchestre pour les philharmonique, ouais. ou le symphonique orchestra. Le symphonique, ouais. Yes, qui, ouais, c'est, ouais, très bien. Bon, moi, je vais mettre un tube. Voilà, pour relaxer l'atmosphère. We'll be right back. collé, Cérone mélangé. Non, Giorgio Moroder. Et je baisse sur le voilà. Chase Minette Express. Alors, pas mal de petits commentaires ici et là sur ce morceau. C'est un morceau qu'on dissocie totalement du film. Ça, c'est clair. Ouais, on a vraiment du mal à le raccorder. À une scène particulière du film. Et là, pour le coup, c'est vraiment un morceau qui existe en tant que tel. On le raccorde plus au dance floor qu'aux prisons de Turin. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, ça correspond au moment où il s'échappe des prisons turques, où il va pouvoir rejoindre les dance floors new-yorkais et la liberté du club. Super. Voilà. Très inspirant. Big up à Erdogan, si tu nous entends. Bref. Ok. Alors, on continue cette émission qui craque un peu. Il te reste quelques morceaux, je crois, mais qui sont plutôt des morceaux d'illustration de jeux vidéo. Ouais, ouais, oui, parce que bon, on part un peu des années 80 et 90. Et le jeu vidéo, bah ouais, c'est de l'image aussi. Moi, j'ai pensé à GTA, parce que c'est une de mes expériences de jeux vidéo, où l'action du personnage qui allume le poste de radio. Et qui écoute ses morceaux préférés. Des morceaux qui ont été, j'ai vu récemment, remixés et réécoutés avec une grosse audience. Pour le jeu, tu veux dire ? Bah non. Ouais, avec la popularité du jeu, il y a des personnes qui se sont réappropriées ces morceaux, enfin pas ces morceaux-là, mais qui les ont mixés en fait ensemble. D'accord. Pour refaire des mix. Parce que si on se souvient bien, dans GTA, il y a différentes radios. Il y a quelques morceaux disponibles sur chaque radio, on écoute quand même souvent les mêmes, mais on peut choisir la radio. Ouais. Donc il y a des personnes qui sont amusées à mixer tout ça ensemble pour faire des mix. Pour faire des mix. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est une réutilisation des morceaux existants. Enfin, ouais, ça permet de ça pour sortir du jeu vidéo, quoi. Ah, ah. Oui, d'accord. Ouais. Oui, ok. Ouais. Ça permet de donner du réel, comme on pourrait dire. Parce que c'est des morceaux qui existent, enfin qui sont connus. Ouais, qui sont connus. Qui sont connus qui par ailleurs. Qui n'ont pas ailleurs, été faits pour GTA, voilà. Clairement pas. Ouais, ok. Mais du coup, voilà, moi ça me faisait penser à l'action en fait. Que la musique, elle fait partie de l'histoire. C'est-à-dire quand le personnage, l'acteur, l'actrice du film et le spectateur entendent la même chose. Du coup, c'est un terme, ça, c'est diégétique, la musique in. La musique qui est. Du coup, elle est prévue au moment de l'écriture et elle apparaît avec une action dans le film ou dans le jeu vidéo ou dans la publicité. Par exemple, un personnage qui va allumer une radio avec du son qui s'en échappe. Et ça, ça fait plutôt sortir de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée une sorte de simultanéité. Ouais. Temporalité identique pour le spectateur et l'acteur. Et l'acteur, ouais, complètement. Voilà. Oui ? Non, mais moi, je marmonne. Okay. Le personnage. Le personnage, merci. Et du coup, ouais, l'inverse, qui est la musique extra-diégétique, ou out. C'est plutôt quoi, dans le cas où la musique est rajoutée au moment du montage sur les images. Mm-hmm. Et donc, elle n'a pas forcément de lien avec la narration. Donc ouais. On peut un peu faire ce choix-là au dernier moment, ou dans le cas d'un film. Par c'est exemple. Là où la musique est, enfin, du coup passe derrière l'image, tandis que quand l'image est jouée, elle passe un peu devant, quoi. On pourrait dire. Ouais. Donc il y a cette réflexion qui se dit est-ce que la musique est secondaire, elle sert juste d'habillage, elle vient soutenir, voire transcender l'image et l'emmener vers quelque chose un peu d'autre. Ouais. Ou est-ce que la musique est proche du cinétique, quoi ? Qu'elle s'accorde avec les mouvements, avec l'action, avec ce qui se passe vraiment au cœur de l'image. Elle peut même influer la narration. Enfin, complètement. Hein. De manière prévue, parce que c'est prévu dans le script, mais dans le... Ouais. Bah là, après, on est dans la comédie musicale, par exemple. Ouais, là, c'est... Ouais, là, c'est... Ouais. Faudra faire une émission là-dessus, parce que c'est... Ouais, ouais. Oui. Non, mais j'imagine qu'il n'y a pas des films où on met un morceau, où on met la radio, et c'est un morceau qui est hyper significatif, et du coup, le personnage hésite. Enfin, il est dans une, il est chez lui, il sait pas quoi faire, il met un morceau, et du coup, le morceau est le, comment, le dirige dans une forme d'action, en Une fait. forme Voilà. d'action, une danse par exemple. Ouais, ou même il hésite à, je sais pas quoi, à tuer quelqu'un, et en fait, il y a une parole qui lui fait avoir certaines émotions, qui fait qu'il prend la décision de. C'est en ça que je De pas disais des commettre fois. son acte. Voilà, ouais. Je sais pas, il n'y a pas un film où c'est comme ça. C'est. GTA, non. Genre, Non, on va pas on écouter balance GTA. GTA, ouais. On va pas écouter GTA, on va écouter Mekatok, qui est un jeune producteur qui vient de Munich, mais qui est installé à Berlin maintenant, et qui est plutôt habitué à la musique club, et qui a l'année dernière composé une bande originale pour un jeu vidéo Ok. qui s'appelle Defective Holiday. Defective Holiday. Ouais. Et il y a deux morceaux, peut-être qu'on Ouais. peut les écouter à la Le à la suite. suite, l'un de l'autre. Agency Loop et Ouais. Terminal T6. T6. Thank you. En fond un disque de Panimerso que mon ami Thierry a sorti, qui est fait à partir d'enregistrements d'imprimantes. Enfin non, c'est Thierry et le label de Panimerso au niveau international. Donc là c'est l'inverse, en fait c'est la musique qui évoque très facilement les images. Ouais. C'est pour ça que j'avais choisi ça. Enfin, du coup c'est de la musique très imagée, je trouve. La provenance du son. Oui, voilà. Et tu vois, si tu m'avais pas dit imprimante, je serais en train de chercher quand même. Ah si, tu les sens. C'est les grosses, c'est les Heidelberg. Ouais, ouais. Il y a la respiration. Grosse imprimante pneumatique. Ouais. Bon, il y a du traitement un peu sonore. Bon, voilà. Alors, très bien cette BO du jeu, là. Ça se passe sur une île déserte, c'est ça? Ouais, une île déserte. Alors, j'ai pas eu la chance encore d'y jouer, mais c'est pour bientôt. Une île déserte, un voyage, comme ça, des choses à chercher. Beaucoup de brouillard, j'ai regardé peu le gameplay, l'exploration. Ça me fait penser que moi, j'ai fait de la musique pour un jeu qui n'existe pas. Je vais mettre un petit morceau vite fait. Et puis voilà. C'est un jeu qui n'existe pas, qui est basé autour de la vie de Wittgenstein. Voilà. Je le mets un peu et après on passe au prochain. Tout le monde a reconnu le thème de Supercopter. Merci à tous, merci Fanny d'être venue pour cette émission. Merci Nico, c'était encore très agréable. Ouais. J'espère que tu reviendras pour une émission spéciale Vangelis par exemple. Ou, si tu m'autorises, je reviens avec grand plaisir. Ou une spéciale GTA. Ouais. Ou qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah ouais, ASMR. ASMR, ouais. ASMR. Ouais. Grand thème à fouiller. Ouais. On peut-être en faire un petit peu. Au revoir. Au revoir. Bravo. Très bien. Alors pour finir, c'est la bande son de fin du film de Miss 45. Qui s'appelle qui s'appelle Exit Music, bref, voilà, que tout le monde connaît peut-être. Merci à tous, merci aux gens de Pinode sur le chat et à bientôt. Merci Fabien encore. Merci.